A mon signal, que tous les keufs se rentrent un code. Salope, tu mérites un sage qui te caloche, une girafe qui te calope. Rentrez-vous tous en Watte, allez tous en Watte. C'est moi qui vous fouille, qui vous fourre, pédale à foutre ta malheur. Tous en mode contrôle, moi je suis en mode nique ta grand-mère. Que tous les mecs de test augmentent le son, la street s'en mêle. Vous avez tué des boucs, et ben nous on a les boules. Passage à tabac pas pur, paix aux frères morts sous les douilles. Vous avez donné vos boules, on vous le pénètre cool. Y'a une éjaculation de sarco, pour ça que vous ouvrez toutes vos bouches. Enlevez vos gants, vous êtes des tapettes dans vos armes. Une arme donnée, une tapette, on sait très bien que ça peut finir qu'en trappe. Votre loi, on la baisse, votre justice, on la baisse. Vu qu'il n'y a rien de juste, et vu que vous savez tirer dans la tête, on continuera le bus sous les calmants. Pour vivre, c'est les pailles en clair. Nique la roue, c'est le titre, tirer tes balles en l'air. Parti pour faire la fête, tous les frais, je viens le faire. Pavé dans les mains, ok. Échappe serré jusqu'aux yeux pour éviter le gaz. Paré, à mon départ, on le fait. Les cocktails sont là, les barman de la tête sont là. C'est qui a la pression là? On est chez nous, on n'a pas besoin de bleu dans nos vidons. J'te le dis à Climo, garde la pêche, ma frère. Apocalypse, now, c'est ma hug dans leur daronne. 93 anti-deck, anti-samel. Ici rien à foutre du succès. J'écartais les pucelles. Un putain de molard, ton père est pris sur scène. Une vie entière à racailler, à laisser filer les chances qui nous sont offertes. Comment toi qui grandis dans un pays riche, tu te comportes comme une merde. Trentenaire, suicidaire, tu peux pas tester ma frère. La France aux immigrés, faut qu'on brûle leur pédigré. Ils peuvent plus m'anéantir alors qu'ils cessent de mentir. Car celui qui a versé le plus de sang n'est pas celui qui vit dans le Coran. Leurs politiques sont mourants, une bande de grabataires borne. Le taureau, c'est par les couilles que je vais le prendre. Moi je suis un ghetto parasite tendu. Plutôt être mort que d'être vendu. Dis-leur que Belzébuth la prend dans les fesses. Un verset de plus pour les refrains qui ont vu le sens verser. Parti pour faire la fête, tous les frais, je viens le faire. Pavé dans les mains, ok. Échappe serré jusqu'aux yeux pour éviter le gaz. Paré, à mon départ on le fait. Les cocktails sont là, les barman de la tête sont là. C'est qui a la pression là? On est chez nous, on n'a pas besoin de bleu dans nos vies. Donc à mon signal, nique ce qui nous provoque à l'horizon.